chez Canadian Tire, partez l'année du bon pied avec un rabais de 250$ sur une souffleuse à neige de marque Yardworks ou le tapis roulant de marque Nordi-Track à 70% de rabais. La cafetière Hamilton Beach à seulement 69,99$. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Samedi 12 janvier, 20h. Le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite du MGA Express de Saguenay au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Prix d'entrée seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Soyez le 7e joueur. Go Multi, go! On va parler avec Tony Guzzo. On sait que Wallet, cette semaine, a fait sa dernière chronique de l'année. Il nous a annoncé qu'il revenait l'année prochaine. C'est une belle nouvelle. On va parler avec Tony. Salut, Tony. Salut, Danny. Comment ça va? Ça va bien. Nous, on va continuer un petit bout de temps encore. On va continuer jusqu'au match éliminatoire et au début de la Ligue Alliance. Ça m'intrigue beaucoup. Comme je t'ai dit, oui. La Ligue Alliance, ça va débuter la semaine après le Super Bowl. J'ai hâte de voir un peu. On va au moins continuer pour la première semaine pour voir un peu comment tu trouvais ça. Excuse-moi, Danny. Moi, je vais juste te dire, je me suis dit que je vais essayer de le couvrir aussi sur le site. Donc, on va voir que ça va donner là avec les disponibilités. Mais j'aimerais couvrir sur le site. Je vais essayer de le couvrir là. Puis on va essayer d'en parler là. Si tu m'invites, ça va me faire plaisir. Ouais, on va essayer d'en parler. De temps en temps, on va en parler. Surtout la première semaine pour voir comment tu trouvais ça. On va y aller maintenant avec les nouvelles de la semaine. Évidemment, les nouvelles de la semaine, c'est les entraîneurs, hein? C'est oui. Les nouveaux entraîneurs un peu partout moi j'ai été surpris de voir que Mike McCarthy, c'est pas le choix des Jets. Je vais être honnête avec toi, c'est la grosse surprise. Et l'autre surprise, c'est que tous les noms qu'on voit, là, c'est pas mal. C'est assez bizarre comme embauche cette année. On dirait que pour venir à Mike McCarthy, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis il n'y a pas grand-chose qui est dit à travers la communauté NFL pourquoi il n'a pas été engagé. C'est vraiment un bon entraîneur. C'est parce que ouais. À un moment donné, il avait fait son temps à Green Bay, puis c'est tout, mais moi j'étais sûr qu'il allait se retrouver un job immédiatement, mais ben non, il va falloir qu'il attende. Ben, les experts ils disent que peut-être qu'il y a besoin d'un break aussi parce que on n'a pas tout su, mais ça a l'air ça vraiment pas bien fini à Green Bay là. Donc il était plus ou moins là au niveau de même la façon de coacher. Même si tu as de la misère avec un joueur, tu peux quand même coacher le reste de ton équipe. Fait que ça a l'air c'était très très compliqué. Donc là il a dit qu'il va prendre un break. Peut-être que ça va lui faire du bien parce que qu'est-ce que je voulais dire, c'était tellement bizarre. On a tellement des nouveaux noms. On dirait que tout le monde veut avoir le fameux Sean McVay qui a 32 ans là. Mais les gens, faut qu'ils comprennent, puis je pense aussi les propriétaires, puis c'est là que j'ai hâte de voir. Sean McVay, là, la raison pourquoi il réussit, oui, il a une bonne tête, c'est un gars passionné, c'est un gars qui est capable de communiquer avec les jeunes d'aujourd'hui, mais je pense que Wade Phillips lui aide énormément parce qu'il amène l'expérience. Donc, un jeune qu'on amène, puis je pense que c'est ça les équipes qu'on voit cette année, ils veulent essayer d'embaucher des nouveaux, des jeunes, puis ils vont essayer de s'entourer de gens qui ont de l'expérience pour aider, de donner l'expérience de coach en chef pendant que le jeune puisse essayer ou être un peu plus créatif ou essayer des nouvelles choses avec le reste de l'équipe. Mais je pense que la clé du succès, c'est vraiment de bien s'entourer. Puis c'est là qu'on voit de plus en plus qu'est-ce qui se passe. Puis ceux qui ont de l'expérience, ils ont pas été chanceux comme Mike McCarthy d'avoir un poste cette année. Ouais, effectivement. Bruce Arians, c'est surprenant. C'est un bon entraîneur, c'est un excellent entraîneur. Par contre, l'âge, il est rendu assez vieux, Bruce Arians, non? Il a 66 ans, Bruce Arians. Puis ça aussi, c'est une surprise. Puis je me demande. Puis je vous invite là, tous les auditeurs. Là, je veux pas donner tout le crédit là, mais on a un collaborateur qui s'appelle Étienne, le maraudeur NFL, là, que vous pouvez suivre là sur Twitter. Là, il analyse toutes les un à un, il analyse toutes les nouvelles embauches, puis c'est très intéressant. Puis pour venir à Bruce Arians, il a 66 ans, il avait pris sa retraite, il disait qu'il avait il a lâché pour des raisons de santé. Puis en plus, avant que la saison finisse, ben il a fait la télé cette année, puis il a dit, moi je m'en vais à Cleveland, sinon je coach pas. Pantoute, là, tu sais. Puis là, il arrive à Tampa Bay. Fait que c'est-tu sa femme qui a dit qu'on s'en va au soleil puis à la chaleur? Ça, je sais pas. Mais dans tous les embauches, je dois dire que c'est le meilleur fit qu'il y a. Parce que, pour deux ans seulement. C'est pas que c'est pas un entraîneur, c'est juste l'âge. C'est juste ça. Mais il sera pas là longtemps, Danny. Ouais. Ça, c'est. Je pense qu'il y a le mandat. Puis il a confirmé cette semaine que c'est Winston son corps arrière, puis Winston a connu quand même beaucoup de difficultés. Je pense que c'est un bon fit pour Bruce avec Jameis Winston parce que c'est un passeur intermédiaire, même des longs jeux. Donc c'est un peu à la Bruce Arians aussi. Moi j'ai l'impression que ça va être un test pour Winston, puis peut-être un genre de rôle de conseiller pour peut-être préparer ses autres entraîneurs, ses adjoints auto pour le futur, parce qu'il s'est vraiment bien entouré. Là, ce matin, ils ont annoncé que Vance Joseph va être son coordonnateur défensif. C'est un bon coordonnateur défensif, lui. Oui, c'est ça. Donc, Harold Goodwin, je pense qu'il est à l'attaque. Il y a Byron Leftwich qui est demeuré. Donc, il s'est bien entouré. Puis, oui, il est vieux. Mais faut pas que les gens et les fans des box, ils sera pas là longtemps. Là. On parle vraiment d'à court terme. Puis pour voir un peu, pour préparer peut-être une reconstruction éventuelle, parce que, comme tu as dit, il en reste pas gros, puis ça a l'air qu'il y a des problèmes de santé. Effectivement. Cliff Kingsbury, tu étais surpris de ça. J'ai vu ça sur le site le Blitz NFL. Ça c'était surprenant pareil. Oui, c'est une grosse surprise. C'est un jeune de 39 ans. Il arrive, lui, là, il a connu tout un hiver les trois derniers mois parce qu'il s'est fait congédier à l'automne parce que c'était l'ancien coach de Texas Tech. Il s'est fait congédier, puis en décembre, USC, l'université de South Carolina, California, a confirmé comme coordonnateur offensif. Puis là, les Cards l'ont embauché. Lui, en carrière, dans la NCAA, il a une fiche de 35 et 40. 35 victoires, 40 défaites. Fait que même pas une fiche gagnante. Puis en plus, il y a seulement 19 victoires et 35 défaites pour des matchs dans la Big 12. Donc, c'est vraiment une surprise. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est le plus surprenant des décisions des embauches en ce moment. Un coach qui vient de la NCAA, qui s'en va à la NFL, c'est très difficile déjà en partant. On le connaît plus ou moins. On ne sait pas comment il va s'entourer aussi. Puis la NFL, historiquement parlant, la NCAA, c'est pas. Tu sais, je regarde ça, là. Chip Kelly a connu beaucoup de succès avec Oregon, ça a été un fiasco. Nick Saban, qui est un gourou avec qui est un des plus grands entraîneurs de l'histoire de la NCAA, ça a fait patate. Lui, c'était avec les Dolphins. Honnêtement, après ça, si on va plus loin, Lou Holtz, qui était un grand gourou avec Notre-Dame, a échoué avec les Jets. Steve Spurrier, qui était avec Florida State. C'était un échec aussi. Le seul que j'ai vu, là, c'est Pete Carroll. On peut parler de Barry Switzer, mais je pense que j'aurais gagné aussi, tu sais. Mais t'en souviens aussi, Lane Kiffin, qui a Lane coaché. Kiffin, oui. Tu sais, c'était une des jeunes vedettes qu'on pensait, là, mais t'as raison, le seul qui a vraiment réussi, c'est Pete Carroll. Mais Pete Carroll, il avait été à NFL, il est parti à NCAA, puis il est revenu. Mais c'est très difficile, comme tu dis, Danny, de réussir. Puis en plus, il s'en va dans une équipe qui a été un peu... ils ont perdu vraiment une année. On va voir comment il va développer Josh Rosen. Je me souviens pas, Kingsbury, c'est lui qui... je pense un des coachs qui coachait Mahomes, je pense. Ça se peut-tu? En tout cas, j'ai un peu un blanc de mémoire à ce niveau-là, mais En résumé, il n'a pas connu beaucoup de succès à NCAA. Il s'en vient à NFL. Bonne chance, Cliff. Je ne sais pas quoi dire. Comme j'ai dit dès le début, je suis très surpris des embauches jusqu'à maintenant. Vic Fangio, c'est moins surprenant, hein, parce que lui, il est coordonnateur à la défensive des Bears de Chicago. Donc, quand tu es coordonnateur d'une défensive comme les Bears, à quelque part, donc, c'est pas surprenant. Donc, enfin, on lui donne une chance. Il a 60 ans. Mm. Donc, il n'a jamais eu l'occasion d'être un entraîneur-chef. L'ancien, il a connu vraiment, là, c'était l'ancien coordonnateur défensif des Bears. Il a connu, c'est vraiment sa force. Mm. John Elway, il a vraiment indiqué quand il a congédié Vance Joseph, il dit, moi, il faut que je trouve le meilleur, que ce soit au niveau de l'offensif ou défensif, puis on va tout faire pour l'entourer. Donc, là, lui, sa force, c'est sa défensive. Mm. Là, il y a des rumeurs que John Elway va peut-être ramener son grand chum Gary Kubiak comme qui était le substitut de John Elway. Les gens qui sont plus vieux se rappelleront toujours de John Elway qui est avec Vic Fangio. Donc, voilà. Moi, je veux te parler de quelque chose. C'est ça. Frank Wright, avec les coachs de la police. Savais-tu qu'il voulait être entraîneur? Et les gens qui se rappellent, on parle de substitut, là. Lui, au milieu des années 90, au début des années 90, avec Jim Kelly, il faisait un tandem incroyable avec les Bills. Oui. Et ce que j'ai appris dans C'est lui qui a fait le fameux miracle. Contre les Oilers de Houston, où les Oilers menaient 35-3 à demi. C'est ça. Tout le monde se rappelle. Les gens qui ont NFL Network, ils repassent assez souvent ce match-là. Moi, ce que je veux dire, ce gars-là voulait être entraîneur. Et l'Université de Buffalo, c'est quand même pas un gros programme, là. Voulait même pas l'avoir comme entraîneur. Et là, il est en train avec les coachs de l'Indianapolis. Et il fait un tabac. Puis lui, il est là, par accident, parce que si Josh McDaniels s'upset, exactement. On ne voit même pas. Exactement. Puis c'est pour ça que c'est trop tôt, hein, les embauches. C'est comme un choix au repêchage. Il faut être patient. Puis, en tout cas, je veux pas parler trop de mes Dolphins, là, même si c'est la dernière équipe qui reste à combler. Tu sais, Frank Reich a été embauché c'était-tu après le Super Bowl? C'était en février qu'il était embauché. Parce que Josh McDaniels, il a refusé. Fait que, tu vois, la chance, là, puis chapeau à Frank Reich. Puis, en tout cas, Jim Irsay, le propriétaire des Colts, il aime ça dire que c'était quand même un grand coup, mais c'est parce qu'il gagne. Là, mais au début, je suis sûr qu'il l'a pas trouvé drôle. Là, mais chapeau à Frank Reich. Puis comme tu dis, il y a des universités, mais c'est ça l'affaire, le business de sport. On y va avec des résultats. C'est pour ça qu'on en revient à Cliff Kingsbury. Là, il a pas eu une bonne fiche. Est-ce qu'il va connaître du succès? On va voir, là, mais il va falloir être patient. Puis comme j'ai dit, il faut qu'il s'entoure. Puis il y a une culture à prendre le livre de jeu. Il faut vraiment voir là, qu'est-ce qu'il y en est. OK. Bon, on va y aller avec nos matchs de la semaine. Écoute, moi, j'ai fait ma prédiction, ma offset de la semaine. Les Colts d'Indianapolis vont battre les Chiefs de Kansas City. Tu as tout à fait raison, c'est le upset special qui en parle, mais malheureusement, Danny, moi je vais quand même garder les Chiefs pour moi. Qu'est-ce que je vois les deux prochaines minutes, qu'est-ce que je vais dire, c'est que pourquoi j'ai pas pris les Colts, là, mais les Colts sont en feu. C'est la meilleure des 8 équipes qui restent, qui connaissent vraiment du succès, là, dans les 11 derniers matchs. Ils ont gagné 10, les Colts. Puis, par contre, les Chiefs, ils ont perdu 10 de leurs 11 derniers matchs éliminatoires. Donc, 0-6 au Arrowhead Stadium. Est-ce que j'ai bien vu, là? La dernière victoire remonte à Kansas City, là, à Joe Montana, qui était au poste de coach. Oui, dans les éliminatoires, oui. Donc, c'est ça. C'est ça, puis... Ça en dit long, hein? Puis, Danny, tu te souviens, là, ça fait une couple de semaines qu'on dit jusqu'à quel point Andy Reid va coacher ce match-là. Puis, les Chiefs, dans les deux équipes, ils ont pas vraiment une bonne défensive. Puis, je reproche beaucoup Andy Reid parce que si vous regardez les matchs des Chiefs, là, vous voyez toujours Andy Reid assis avec Patrick Mahomes. Mm. Donc, il se focus tellement au niveau de l'attaque que oui, il y a un coordonnateur défensif, mais il a vraiment négligé au niveau général pourquoi que sa défensive fait aussi tant dur. Les Colts sont vraiment une équipe la plus balancée, sont très forts à la ligne offensive. Mm. Ils ont connu un excellent match défensif la semaine passée. Andrew Luck est en feu, c'est un corps quand même d'expérience. La seule raison pourquoi, là, dernièrement, c'est que les Chiefs ont vraiment eu une semaine de congé. Ça c'est à cet incite de l'année, la semaine de congé est très appréciée puis ça fait du bien. Puis ils sont quand même 7 victoires, une défaite au Arrowhead. Ouais. Je vais y aller. Les Colts ont quand même joué un peu en dedans. Ils n'ont pas vraiment beaucoup joué à l'extérieur, dans le froid. Je dois donner l'avantage aux Chiefs, mais sur papier, t'as raison, les Colts devraient surprendre. Écoute, les Chiefs. C'est la meilleure équipe de la conférence américaine de la deuxième moitié de saison. Oui. Ligne à l'attaque extraordinaire. Mac dans charrière. Écoute, les Chiefs sont 27e contre l'attaque au sol. Les Colts ont une attaque, ont une ligne à l'attaque extraordinaire. Mac dans charrière fait bien. Ton plan de match n'est pas dur, là. Pas dur à établir. Non, c'est ça. Tu laisses Pat Mahomes sur le banc aussi, là. Les Chiefs, c'est la deuxième pire équipe qui alloue le plus de verges par la passe aussi. Ouais. Donc, la pire équipe qui alloue le plus de premiers essais lors des premiers essais aussi. Mm-hmm. Fait que, puis ils sont très pénalisés, les Chiefs. La seule force au niveau de la défensive des Chiefs, c'est qu'ils sont capables de mettre la pression au quart arrière, mais on va voir la ligne offensive si on est capable de freiner ça pour protéger Locke. Fait que moi j'ai mis les Chiefs, je sais pas pourquoi là, mais ouais, c'est pour l'avantage du terrain en ce moment-ci, c'est très important. Ouais. Mais sur papier, les Colts devraient l'emporter. Les Rams contre les Cowboys, je suis sur le site d'ESPN actuellement, puis on dit que les experts qui y vont avec une victoire des Cowboys, hein, sont certains experts, c'est pas la majorité, là. Mais c'est compréhensible, les Rams, depuis 4 semaines, là, ça va pas fort, là. La deuxième moitié de saison, il y a une fiche de 5 victoires, 2 défaites. Ouais. À 6 reprises, les Rams ont alloué plus que 30 points. Mm. C'est beaucoup. Donc, le duel là, de ce match-là, ça va être les deux porteurs de ballon. Tu as les deux meilleurs porteurs de ballon de la Ligue, Zeke Elliott des Cowboys contre Todd Gurley des Rams. Ça va jouer ça. Ça va se passer là. Donc, dans les deux, celui qui va avoir de la misère, ben, c'est l'équipe qui va perdre. La seule affaire pour les Cowboys, pourquoi qu'on avantage plus les Rams, quand même, les Cowboys ont de la difficulté à l'étranger avec 3 victoires, 5 défaites, tandis que les Rams ont 7 victoires et une défaite à Los Angeles. Mais le gros défi des Cowboys, c'est d'arrêter Todd Gurley. Comme qu'ils ont défendu, qu'ils ont bien freiné la course au sol contre les Seahawks la semaine passée. Donc, s'ils sont capables de répéter l'expérience, oui, ils pourraient l'emporter, mais moi, je pense que les Rams, là-dessus, ils devraient gagner. Là. OK. Comment tu trouves ça, toi, cette statistique-là? Doug Prescott, aux heures de grande écoute, a une super fiche. Pourquoi que les heures de grande écoute puis les heures de pas d'écoute? On sait pourquoi, là, le match lundi soir et ainsi de suite... tu crois-tu à ça, toi? Ben, pour des personnes, c'est peut-être entre les deux oreilles, là. Ouais, c'est peut-être parce qu'il est fort sous pression, quelque chose de même, là. Tu sais, c'est comme au hockey, hein, tu sais, quand les joueurs, ils mettent de l'argent sur le board, là, quand ils jouent contre leur ancienne équipe, là, c'est vraiment entre les deux oreilles, ils aiment peut-être le spotlight, pourtant... Tous les matchs sont toujours, mais lui, il se dit, j'ai quelques millions de plus qui me regardent. C'est vraiment psychologique, là. Donc, s'il est capable de performer autant en Poirier, mais c'est comme il y a d'autres, c'est comme d'autres joueurs qui sont pas capables de performer en soirée puis sous la pression là. Donc c'est vraiment psychologique cette affaire-là. Je peux pas te l'expliquer. Maintenant, Nick, du côté de dimanche, les Pats contre les Chargers, beaucoup de monde et avec raison, juste le titre favori des Chargers. Sauf que c'est pas sans compter. Les gens comprennent rien. Hein. Bill Belichick, faut jamais gager contre Bill Belichick. T'as raison. Je peux pas comprendre que les gens comprennent pas ça encore avec tout ce qui est arrivé. C'est sûr que logiquement parlant, sur papier, je regarde ça, c'est très logique que les gens favorisent les Chargers. Par contre, Tom Brady 7-0 contre Philip Rivers, les Pats invaincus à Foxborough. Les avocats du diable vont dire ils sont dus pour en perdre une. Par contre, il y a une donnée très importante. On annonce de la pluie, on annonce du froid. Exact. Et ça peut être très dommageable. Moi, je vais y aller encore avec les Pats. Puis on parle de météo, puis une autre donnée que des fois on l'oublie, là, les Chargers sont allés jouer à Baltimore la semaine passée. Ouais. Ils ont retourné. Ils ont traversé les États-Unis dans l'Ouest pour pratiquer. Puis là, ils reviennent encore pour un match de 13 heures. Donc, pour eux, le corps, il est encore à 10 heures le matin. Là, t'sais. Même si tu fais toute la meilleure nutrition, tu dors comme il faut, je sais pas quoi, là, ça va sûrement avoir un impact. Mais les gens qui vont nous écouter aujourd'hui, là, puis ça va être assez bizarre et drôle, là, parce que à chaque fois que je gage pour les Chargers, les Chargers perdent. Puis à chaque fois que je choisis pas les Chargers, ils gagnent. Donc, moi, je vais prendre les Chargers pour t'aider, Danny, cette semaine. mais t'as raison, tu peux pas gager contre Belichick. Ils ont eu une semaine de congé. Tu imagines-tu les rencontres, les meetings qu'ils ont eu pour préparer pour ce match-là? Ils vont arriver préparés, sont à domicile. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que les Chargers, là, la semaine passée, ils ont affronté Lamar Jackson, qui a connu un match horrible. Puis là, ils vont affronter Brady. Là. Surtout la première demi. La deuxième demi, c'était correct. Oui, mais c'est pas Lamar Jackson, c'est pas Tom Brady. Là. Non, c'est pas Tom. On est loin de Tom Brady. On est très loin. Exactement. Ouais. Donc, les Chargers doivent affronter Belichick la semaine de congé et tout ça. Puis, comme tu as dit, je pense que la pluie, le froid, et ça l'annonce aussi un peu de neige, c'est que ça va affecter ce match-là. Donc, moi, j'ai écrit une note ici. Ma crainte, c'est que si les... la clé du succès, ça va être au niveau des revirements. Donc, si les Pats vont être capables d'intercepter Rivers, que lui, ça l'arrive souvent dans des matchs importants, il va connaître à peu près une ou deux interceptions. Ouais. Ben, ça aussi, ça risque de faire la différence pour le match. Comme j'ai dit, je prends pour les Chargers, mais je pense que les Patriots devraient l'emporter. OK. Et le dernier match, les EST, trois petits points contre les Philadelphie. Contre les Saints de Nouvelle-Orléans. Les Saints. Écoute, les Eagles jouent beaucoup mieux. La défensive. Écoute, les Saints ont gagné 48-7 contre les Eagles, mais c'est plus du tout la même équipe. Oui. Au mois de novembre. Puis quand un corps comme Nick Foles, béni des dieux, là, tu sais jamais comment est-ce que ça peut arriver. On dirait qu'il y a un aurore autour de ce gars-là. C'est incroyable. Oui. Puis, t'en souviens, la semaine passée, j'ai dit si les Eagles vont battre, s'ils gagnent, ils pourraient peut-être continuer, mais dans les... il y a encore du monde qui prennent pour les Eagles encore pour cette semaine, mais je peux pas croire. Je pense que là, cette fois-ci, là, puis la semaine passée, je l'ai dit, si l'équipe défensive était pas mal amochée avec les blessures, ben ils sont encore cette semaine. C'est les champions défendants contre les champions favoris, qu'on peut dire. Puis pour faire, tu sais, quand on parle, ça se passe psychologiquement, là. Est-ce que tu as su qu'est-ce que Sean Payton a fait cette semaine? Non. Il est arrivé dans un meeting ou dans le vestiaire, il a amené le Super Bowl qu'il a gagné il y a une couple d'années. puis amener une valise de 250 000 pièces US. Okay. Parce que c'est le bonus que tu gagnes quand tu gagnes le Super Bowl. Fait que là, il a montré le trophée, il a montré tout l'argent devant ses joueurs, puis il a dit, les gars, si vous voulez avoir ça, ben, gagnez les trois EST, trois petits points, les trois prochains matchs. Mm. Fait que je pense que les Saints, là, j'y compare aux Patriots quand ils jouent à domicile. Ils sont vraiment forts en Nouvelle-Orléans. T'as une des foules les plus intimidantes aussi. Là. C'est ça. Avec Kansas City et avec Seattle, là, c'est des foules les plus intimidantes. Là, de... Puis ils ont pas perdu encore, je pense, sur Peyton en séries éliminatoires à domicile. Donc, je pense que là, c'est sûr que là, on parle encore. Oui, la défense est un peu améliorée, mais j'ai toujours dit qu'elle est amochée. Puis la magie de Foles, je pense que cette fois-ci, c'est pas assez. Là, je dois aller avec les Saints là, jusqu'au bout. Là. OK. En terminant, je veux te parler. Ce matin, j'ai eu un entretien avec Sacha Gavani, qui est l'agent de Laurent Duvernay-Tardif. Et, j'ai pas eu la chance. Est-ce que Laurent il va jouer? Laurent ne jouera pas. C'est pas pour ça que je l'appelais. Là. Je l'appelais pour toute la bouleversement qui se passe dans la Ligue actuellement, avec les nouvelles ligues qui s'en viennent, ainsi de suite, comment qu'il lui voyait ça. Et à la fin, j'ai posé la question sur... Tu sais, quand on s'est posé la question dans les fêtes sur Laurent, là, sur est-ce qu'il va rester avec les Chiefs, compte tenu de... Et lui, il n'est pas inquiet. C'est sûr, je ne m'attendais pas à ce qu'il me dise qu'il l'était. Là. Sauf que j'ai regardé le contrat de Laurent Duvernay-Tardif et vers la fin de son contrat, lui, c'est jusqu'en 2022... Plus ça va aller son contrat, moins ça va paraître une cape. Donc ça va aider. Ça l'aide. Ça aide beaucoup pour rester avec une équipe. Oui. Je vais l'écouter là. J'ai pas eu le temps là, mais je sais que tu l'avais rencontré parce que je vais être honnête, on n'a pas eu de nouvelles si Laurent. Non, ça me dit qu'il ne jouera pas. C'est ça, OK. Donc, il souhaitait qu'il soit de retour, là. Mais est-ce que c'est sûr qu'il ne jouera pas ou il peut revenir? Ben, moi, je n'ai pas eu de nouvelles, mais il me semble qu'on l'aurait entendu parler s'il aurait joué. Ben, c'est sûr qu'il ne jouera pas, on ne l'a pas entendu. Puis, c'est pas écrit nulle part qu'il est de retour, il est encore sur la liste des blessés. OK, OK. Ben, on s'en reparle bientôt, Tony, on s'en reparle la semaine prochaine pour les. Non, la semaine prochaine. On va faire plus tôt, je te le dis tout de suite, parce que je serai pas tellement loin de chez vous la semaine prochaine. Je vais être dans les Laurentides. Fait que faudrait faire ça mercredi idéalement. OK, ben on va discuter de l'heure, mais oui, on va se parler mercredi. OK, ben Tony Guzzo du Blitz NFL.